Partie 4, Vivacissimo, avec illustration picturale. Du pays natal éloigné, du passé privé et saigné, ô nostalgie pas résignée. 15 juin, soir. Le soleil, à moitié levé, offre une douce lumière. J'arrive devant l'entrée du parc. Où mieux se retrouver, sinon dans l'endroit le plus beau, au nom le plus évocateur, jardin de l'harmonie préservée. Je suis simplement vêtue, une longue jupe noire et une chemise blanche. Mes longs cheveux gris, mettant en relief le dessin de mon visage, sont étalés sur les épaules. Au moment de franchir le seuil, je m'immobilise. Mes yeux se lèvent vers le haut. Ô ciel, palpitation de mon cœur, calmez-vous. Encore une fois, mon destin se joue. Encore une fois, il ne dépend pas seulement de moi. Voici raviver l'élan et l'espérance. Mais, après tellement d'années, en me regardant, que pensera-t-il ? Toute petite, je courais joyeusement sur l'herbe de ce même jardin, le long du lac, balançant mes deux jolies tresses de cheveux. Maman et papa me poursuivirent en criant préoccupés. « Rua, ne cours pas trop vite ! Ne cours pas trop vite !» J'éclatai de rire en poursuivant ma course sur un pont de bois. Mes parents finirent par me rejoindre, soulagés. Maman m'enlaça avec effusion. Papa saisit ma petite main avec douceur. Je ris de nouveau, eux aussi. J'avais peur, avoua maman, de te voir tomber en te faisant mal. Et maintenant, est-ce que je ne risque pas de tomber sans avoir maman et papa pour me relever? Je demeure immobile un long moment. Désormais, je suis ici. Fais ce que tu dois, advienne que pourra. Je franchis le seuil du parc. Ma poitrine devient brusquement un orchestre de gongs et de cymbales violemment déchaînés. Je parcours des allées, regardant autour de moi. Le soleil matinal donne un éclat intense au vert des feuilles d'arbres, au bleu du grand lac, aux couleurs vives des jolis édifices traditionnels. Des chants et des musiques parviennent de toutes les directions, exécutés par des groupes ici et là. Partout, c'est la joie de la vie. Et toi, Rua, qu'en sera-t-il ? Toute la journée, je vais partout dans le parc. Je m'approche de tous les groupes. Je regarde tous les hommes d'une soixantaine d'années, sans trouver celui que je cherche. Ne suit-il pas le programme télévisé ? Ne croit-il pas à l'information que j'ai donnée ? Retournée dans ma petite chambre, ces questions sans réponse me tourmentent. Comment fermer les yeux ? Pourtant, je dois me reposer. Demain, je continuerai l'inspection. Quand sa flamme est trop agressive, regardez le feu de la rive. 16 juin, soir, deuxième journée au parc. En fin de journée, encore rien. Retour à l'hôtel. Songeuse, je cherche à comprendre quoi faire. De ma chambre, je téléphone à la télévision. Je vous confirme que la femme recherchée, nommée Rua, je l'ai vue hier et aujourd'hui dans le parc du jardin de l'harmonie préservée. Vous en êtes certaine ? Absolument, je l'ai rencontrée, je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle fréquente le parc pour rencontrer l'homme qui la cherche. Pourquoi ne vient-elle pas simplement chez nous, à la télévision ? J'avais prévu l'objection. Je lui ai posé cette question, elle a répondu « je préfère le rencontrer dans le parc ». Bah, quelle bizarrerie ! Après cette communication, le miroir de la salle de bain m'attire. Depuis quelques années, après avoir dépassé ma cinquantaine d'âge, à chaque automne, une vue m'attriste. Celle des arbres dénudés et des feuilles jaunies jonchées par terre. Mon corps lui aussi se flétrit, la peau de mes mains s'est un peu rétrécie. Je m'approche lentement du miroir. Mon visage n'a pas encore de rides. Cependant, les cheveux s'approchent de la couleur de la neige. La fleur n'est pas fanée, mais l'éclat du début s'en est allé. C'est en été que se cueillent les fruits. Oh, je ne suis pas encore tombée dans le naufrage de la vieillesse impotente et dans la laideur du corps. Mais suis-je encore désirable ? Au fond, de cet homme, Je connais seulement la tendresse de ses yeux, mais sa personnalité, mais ce qu'il a vécu durant ces 40 années. Sois forte, Hua, comme tu l'as toujours été. L'amour, lui aussi, est une question de combat et de dignité. » À peine ce courage retrouvé et cette résolution prise, la peur revient. Mais si mon apparence actuelle le déçoit, s'il est resté fixé sur la jeune fille rencontrée la première fois, avec sa peau fraîche, son visage empourpré des couleurs de la jeunesse, dois-je affronter cette épreuve? Dans les anciens et fameux 36 stratagèmes, l'un des articles s'intitule « De la rive, regardez le feu ». Un bon général ne doit pas compter seulement sur la rapidité de l'action, mais savoir attendre le moment propice. Brusquement, je détourne les yeux du miroir, je cours à la fenêtre. J'ai besoin de regarder vers l'extérieur pour atténuer mes appréhensions. De gros nuages sombres et bas cachent la plus grande partie du disque lunaire, mais sa clarté en dessine vivement les bords. Très lentement, les nuées se déplacent, masquant puis découvrant le rayonnement nocturne. La danse des baleines n'a pas de cantilène. 16 juin, soir, Pékin, hôtel Tiananmen, porte céleste. En avion, retour à Pékin, une idée me vient, j'en informe Mei. Un jour, tu m'as parlé des hôtels modestes, qui, pendant la période maoïste, n'étaient pas autorisés à accepter des étrangers. Oui. Est-il possible maintenant d'y loger, n'étant pas chinois? Pourquoi me demandes-tu cela? Je suis très curieux d'en faire l'expérience. J'ignore si à présent c'est autorisé. Il est vrai que beaucoup de choses changent actuellement en Chine. J'essaierai de trouver une solution. Elle m'invite à regarder vers l'extérieur, à travers le hublot. J'y colle les yeux. Le paysage est magnifique. Et terrible aussi, ajoute Mei. Terrible, pourquoi? Les hautes montagnes que tu vois, et les profondes gorges. Eh bien, c'est là que sont passés mon grand-père et ses compagnons durant la longue marche. L'observation m'oblige à mieux examiner le paysage. On voit aussi, dis-je, la grande muraille. Magnifique, grandiose. Je comprends que l'UNESCO l'ait classée ainsi que les pyramides égyptiennes et aztèques comme patrimoine de l'humanité. Dois-je intervenir ou pas? Le jugement entendu me blesse. Je n'aime pas les opinions superficielles. Mais je compte sur l'intelligence et la sensibilité de Bruno. Je commente alors du ton le plus raisonnable. Mais patrimoine de quel genre d'humanité? Il me regarde d'un œil interrogatif, attendant une clarification. Je la fournis, celle des dominateurs. Pour édifier cette muraille, ils ont contraint par le fouet et l'épée une humanité asservie pour la construire avec sa sueur et son sang, jusqu'à en mourir, leurs cadavres étant mélangés avec le sable et la pierre de ce monument. Ajoutons la stupidité des promoteurs. Il a suffi aux envahisseurs d'acheter des soldats surveillant une porte pour les faire passer. C'est dire combien la motivation pour réaliser ce mur fut d'abord la vanité et l'auto-glorification des membres de l'oligarchie régnante. Encore une fois, grâce à Mei, je découvre ma tendance à ne voir que l'un des aspects des choses, celui qui me plaît. Auparavant, j'avais admiré la campagne où vit la famille de Mei. Elle compléta, malgré l'aspect très agréable de l'endroit, les paysans souffrent pour en tirer de quoi vivre. Et voilà que je récidive avec la muraille. Tu veux entendre maintenant une belle histoire ? Oui, volontiers, acquiesce-t-il. C'est une histoire racontée par les Indiens d'Amérique. On l'appelle le mythe des baleines. Or, j'adorais les mythes quand j'étais petit. Ma mère me les relatait. Tu sais comment les baleines font... Non, pas ce mot, plutôt un autre. S'accouple ? Il avoue son ignorance. Je recours à un ton badin. Eh bien, voici comment. Dans l'océan, le mâle et la femelle surgissent brusquement de l'eau, puis lancent en l'air, tout droit vers le ciel, leur immense corps. Dans ce très bref instant où il est ainsi suspendu, il tente de s'accoupler. Bruno rit en imaginant la situation. Je poursuis. Évidemment, il rate leur union. Il recommence encore et encore, jusqu'à parvenir à s'unir. Se limite-t-il à dire. J'attends de lui plus de commentaires. Ne voyant rien venir, j'ajoute. Eh bien, ce mythe symbolise l'amour entre les êtres humains. C'est-à-dire? Son étonnement me surprend. N'a-t-il vraiment pas compris ou désire-t-il m'entendre encore parler sur ce thème? J'en suis gênée. C'est-à-dire, répète-t-il, il faut donc expliquer. Je m'efforce d'employer le ton le plus détaché, le plus scientifique. L'amour humain, le vrai, est aussi difficile et miraculeux que l'accouplement entre les baleines. Sinon, pourquoi tellement de chansons, de romans, de films et autres sur l'amour? Pourquoi tellement d'étalage de ses aspects les plus superficiels, publicité, pornographie, vêtements intimes, etc. plus on parle d'amour, moins il existe. L'humanité ignore ce qu'il est réellement. Si elle le sait, alors elle en a peur. Comme les baleines, les gens multiplient les tentatives. Mais combien réussissent? Combien voit-on de couples réellement heureux? Aïe, aïe, aïe. Elle a mis la pointe du bistouri au plus profond de la plaie saignante. May prend son sac, en extrait son carnet, l'ouvre à une page vierge et se met à écrire, toute concentrée. Je jette un coup d'œil sur le texte. Il est en chinois. Très courte phrase, avec retour à la ligne. De temps en temps, May rature. Finalement, elle a l'air satisfaite du résultat. C'est un texte au centre de la page. Pour moi, ce sont des hiéroglyphes mystérieuses, des dessins admirables, une sorte de peinture abstraite. Je demande, c'est une poésie? Oui. Et le contenu? Les yeux fixés sur le texte, elle ne répond pas. J'insiste avec délicatesse. J'aimerais bien le savoir. Je surmonte ma timidité. Je traduis d'une voix un peu tremblante. Solitude. Le rossignol s'agite dans la cage, sans réussir à briser le grillage. Dans tous les sens, ses ailes se déploient. Mais il reste prisonnier de l'endroit. J'en félicite May, c'est joli. Ensuite je plaisante, seulement à moitié, mais il faudra inventer une manière pour l'oiseau de se libérer. Oui, confirme-t-elle. Brusquement, l'avion est secoué comme une simple feuille de papier. Les ébranlements sont légers, mais ils se répètent. Une voix calme d'hôtesse se fait entendre dans les haut-parleurs. J'en comprends la version anglaise. Elle avertit que nous traversons une zone de turbulence, nous prie d'attacher nos ceintures et de rester calme. Nous nous exécutons. J'ai connu ce genre de phénomène durant mes nombreux voyages en avion. Néanmoins, j'ai peur. May et moi échangeons un furtif regard pour nous encourager. Elle aussi est plutôt inquiète. Une autre secousse est plus forte. Elle se prolonge. Mon estomac se serre à me faire mal. Toutefois, je tente de ne pas laisser voir mon angoisse. Instinctivement, ma main veut saisir celle de Bruno. Non, c'est inconvenant. Courage. Discrètement, je me contente de plaquer le plus fort possible les paumes de mes mains sur mes cuisses. Une autre secousse oblige l'appareil à descendre un peu vers le bas. J'ai la sensation que mon cœur chute avec lui. Une funèbre idée surgit en moi. Aussitôt je l'écarte, mais elle revient. Soit. L'essentiel est de maintenir la dignité. Je m'y efforce. Tandis que l'avion semble dandiner, je joue à l'homme calme, alors que mes tripes semblent prêtes à éclater de frayeur. Je lutte pour éliminer de mon imagination l'avion se précipitant vers le sol. Je parviens à raisonner. Ce n'est pas la première fois que tu voyages en avion. Les turbulences, c'est normal. Il y a moins d'accidents d'avion que d'automobiles. Mais la crainte demeure. De mutation en mutation, telle est l'humaine condition. 16 juin, soir. Débarqué à Pékin, ouf. Volé en risquant de s'écraser. Marcheur de Hua, c'est pareil. Nous arrivons sur une petite place agrémentée d'arbres. Tout proche se dresse un très large immeuble comprenant une dizaine d'étages. Pas l'air d'un hôtel, mais de logement pour gens modestes. Je devine pourquoi les étrangers n'y sont pas acceptés. Il ne faut pas qu'ils voient des aspects non flatteurs du pays. Au contraire, moi, je veux les connaître. « Attends-moi ici, » dit May. « Je vais voir s'il est possible de loger dans un hôtel que m'a conseillé une amie. » Je m'assois sur un banc. Je pose devant moi mon sac au dos et celui de May. Elle s'éloigne. Sur la place, une vieille femme et une toute jeune fille, modestement vêtues, nettoient le sol. Elles ramassent des feuilles d'arbres gisant par terre, puis les mettent dans un seau. Étrange. Cette action me suggère des corps jetés dans un trou de cimetière. Allons, optimisme, optimisme. Sinon pourquoi avoir parcouru 10 000 kilomètres et plus? Je contemple les arbres. Ils gardent encore des feuilles, belles et vertes. May revient, satisfaite. Nous prenons nos sacs à dos et nous dirigeons vers l'immeuble. L'édifice est réellement pour gens disposant de peu de moyens financiers. Cependant, l'intérieur est bien entretenu. Un léger parfum de nettoyage récent flotte dans le hall, sobre mais accueillant. Ascenseur jusqu'au 7e étage, puis long couloir, faiblement éclairé. Une porte fermée attire mon attention. Une pancarte y est accrochée, entourée d'un ruban rouge. Au centre, un caractère chinois de même couleur. Qu'est-ce que c'est? May jette un coup d'œil à la porte, sourit et explique. Un couple marié en voyage de noces. Ah. Nous entrons dans une chambre. Environ 5 mètres sur 5. Ameublement très élémentaire. Lit conjugal étroit. Petit divan. 2 chaises. Table basse. Dans un angle, mini frigidaire et réchaud à gaz. J'apprécie. On peut même cuisiner. Oui, c'est pratique pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir le restaurant. Il y a aussi des travailleurs qui logent ici toute l'année. Je m'approche d'une porte. Elle donne accès à un tout petit espace, toilette et vieille douche, munie d'un rideau en plastique blanc. Il est agrémenté de dessins d'oies sauvages en vol, de couleurs diverses. On doit dormir dans la même chambre, dit Mei en souriant, car il m'a fallu déclarer pour te faire accepter que tu es mon fiancé. J'espère que tu sauras t'adapter, sinon on change d'hôtel. J'aime cette chambre. Je suis très curieux de connaître tout de la Chine, en particulier ce qu'elle a de plus modeste. Pourquoi ? Ça me redonne la joie de vivre. C'est, interroge Mei d'un ton taquin, la pauvreté de la Chine qui te la redonne. Non, c'est la dignité avec laquelle la pauvreté est assumée. Je ne confie pas à ma compagne d'autres réflexions. Je n'ai jamais connu la pauvreté. Je l'ai vue uniquement de loin, de temps à autre, sans m'en préoccuper. C'est une carence que je veux maintenant combler. Curieux et très intéressant, Bruno. Avec mon travail à l'ambassade, j'ai connu assez d'étrangers, mais aucun semblable à lui. Les autres s'intéressent uniquement à ce qu'ils peuvent tirer du pays, comme profit financier. Je vais à la fenêtre, j'ouvre le rideau. En face, un bâtiment semblable à celui où je me trouve. La plupart des fenêtres ont les vitres de couleur bleue. Tiens, j'en demande le motif à Mei. Quand le ciel est gris, explique-t-elle, le bleu des fenêtres permet de le voir comme un ciel d'été, couleur azur, c'est plus agréable pour les yeux. Mais cela ne correspond pas à la réalité. Mon objection l'amuse. La réalité, dit-elle, a besoin parfois d'être vue à travers une couleur qui la rend supportable. En Chine, nous avons connu tellement de malheurs que nous avons fini par trouver des moyens pour les atténuer, au moins subjectivement. Ainsi du ciel, sa couleur grise déprime, mieux vaut le percevoir bleu. Cette réponse, pourtant optimiste, provoque en moi une forte angoisse. Je détourne les yeux de l'extérieur et les fixe sur Mei sans parler. « Qu'y a-t-il » s'étonne-t-elle. Je reste bouche cousue. Quelque chose ne va pas. Je ne résiste pas, j'avoue, j'ai peur. Peur de quoi ? Tu n'es pas bien ici ? Non, ce n'est pas l'endroit. Peur d'autre chose. Quoi ? Je me tense. Libère-toi, malgré ta voix mal assurée. Et si ? Blocage. Si, répète Mei en m'encourageant de ses yeux. Si, Hua a changé. Si elle n'est plus celle que j'ai connue. Totalement prise au dépourvu, je ne sais quoi répliquer. Mon cerveau se met à bouillir. Je tente de le maintenir sous contrôle. Que veux-tu dire par là? Si elle m'a oublié? J'en reste abasourdi. Constatant que je reste muette, il note avec tristesse. Toi aussi maintenant, tu ne parles pas. Que lui dire? Ah, Mei, Mei. Mais laquelle? L'une souhaite la confirmation de la crainte de Bruno. L'autre la réprouve fermement. De joyeux rires d'un homme et d'une femme éclatent, provenant d'une chambre voisine. « Alors, répète Bruno, qu'en dis-tu ? » « Ciel, ciel, donne-moi toute ton énergie. » Je tourne vers Bruno mon visage, avec une expression où je m'efforce au maximum d'objectivité. « Si Hua est la femme que tu crois, elle n'aura pas changé. Si elle a changé, elle n'est plus ce que tu crois. » « Je te pardonne, mais je te pardonne avec reconnaissance ta franchise. » Cette hache m'a coupé en deux, pourtant, telle est la vérité. Une hache précédente m'était tombée dessus, celle-ci maniée par moi. Douter de toi, Hua. La réponse de Mei me donne le courage de retourner au parc, malgré mon effroyable appréhension. Quand le chant est tellement beau, mais une voix est en défaut. 17 juin, soir. Pour le troisième jour, je suis dans le parc. Le soleil à peine levé, de nombreuses personnes sont déjà ici, jouissant de l'air et de la lumière. J'en suis heureuse pour elles, mais je pense aux innombrables autres personnes démunies de cette joie. Quant à moi, ma chance se manifestera-t-elle aujourd'hui ? Tôt le matin, nous arrivons au parc. Bizarrerie de mon esprit. Tour à tour, je le sens effroyablement vide, à cause de l'angoisse de ne pas trouver Hua, ou en ébullition brûlante à l'idée de la rencontrer. Tellement de fois j'ai franchi le seuil de parc, mais jamais avec ce que j'ai ressenti cette fois-ci. Seuil, origine et commencement. Point de décisive intersection. Ouverture, fermeture, l'angoisse d'ignorer le futur. Nous nous engageons dans le parc. Nous reprenons l'inspection, extrêmement attentifs, les yeux grands ouverts. Beaucoup de personnes sont présentes, se livrant à leur activité favorite. Gymnastique, tai chi, musique, chant, danse, promenade. Certes, nettement plus romantique de me donner rendez-vous ici que dans un ordinaire bureau de télévision. Mais Hua, où es-tu ? Mei et moi regardons de tous les côtés, nous allons partout. Ah, là on chante, spécialité de Hua, nous y allons. Photo du groupe de chanteurs, chanteuses et de musiciens, musiciennes. Un groupe d'une centaine de personnes entonne en chœur une joyeuse complainte, accompagnée par un orchestre composé d'une vingtaine d'instruments. Au milieu, un homme dirige l'ensemble avec des mouvements de bras harmonieux. Parmi les chanteuses sont présentes des femmes ayant l'âge qu'aurait Hua. Nos yeux inspectent fébrilement leurs visages, l'un après l'autre, avec le maximum d'attention. Intelligente Hua, quoi de mieux que de te rencontrer en plein champ, matinal, collectif, dans le plus merveilleux des jardins. Mes entrailles s'entortillent. Je suis parmi les présents, mais je ne chante pas. C'est à mes yeux de s'activer. Ils cherchent, parmi les présents, l'homme désiré. Brusquement, je ne sens plus mes pieds. Ma tête et mon corps sont envahis d'une vertigineuse tempête émotionnelle. Le voici, le voici, le voici, oui, c'est lui, c'est lui. Le sang afflue violemment dans les veines gonflées de mes tempes. Mes jambes flanchent. Je parviens à me retenir, mais instinctivement, je me cache derrière d'autres personnes, paralysée. Les nerfs tendus au maximum à me faire mal, May et moi examinons les femmes présentes une par une, y consacrant tout le temps. Sur certains visages, nous nous attardons. Finalement, très déçus, nous constatons qu'aucune des femmes ne paraît ressembler à celle que nous cherchons. Pourtant, observe May, nous sommes devant le groupe le plus nombreux, le plus important, le plus attirant. Logiquement, c'est ici que Hua devrait se trouver. Je me décide à aller vers toi quand, stupéfaite, je te vois parler avec cette femme de manière confidentielle. Mon trouble en est extrême, mon désarroi infini. Qui est cette femme? Mes yeux rivés sur elle, sa vue m'anéantit. Elle est plus jeune que moi. Cela me rappelle Yue. Son mari l'avait abandonnée pour une femme plus jeune. Totalement abattu de n'avoir pas trouvé Hua parmi ce groupe de chanteurs, je ne sais quoi faire. J'essaie de raisonner. Pourquoi, dis-je, Hua se cantonnerait-elle dans un petit groupe quand il est plus aisé pour elle d'être trouvée dans le plus grand? Peut-être, note May, qu'elle estime faciliter sa découverte en étant dans un petit groupe. Nous décidons d'aller chercher ailleurs. Réduite à une statue de granit, je les regarde s'éloigner. Lui marche tristement. Mais pourquoi? Pourquoi est-il avec cette femme? Quand les yeux ont la préférence, fais attention à l'apparence. Dans un autre secteur du parc, nous continuons la recherche. En moi, désespoir et espoir se combattent furieusement. Sans me faire remarquer, je les suis à distance. Visiblement, ils me cherchent. Leurs corps montrent une tension et la fébrilité égales à la mienne. Une deuxième fois, je sens l'impérieux désir d'aller à sa rencontre. Mais la présence de cette femme avec lui, encore cette fois, m'en dissuade. Pourquoi est-elle avec lui? Qui donc est-elle? Partout où nous passons, nos yeux se déplacent de manière spasmodique d'un endroit à l'autre. Nous nous approchons en priorité des groupes de chanteurs. C'est là que Hua devrait être, si elle est ici. Pourquoi ne la trouvons-nous pas? Serait-ce encore une horrible plaisanterie d'une téléspectatrice? Impossible, puisque le chef du village nous a confirmé le voyage de Hua. Alors, pourquoi ne la trouvons-nous pas? Malheureusement, le soir, nous quittons le parc en silence. May est perplexe. Moi, comment me décrire? Je ne trouve pas les mots. Ils ne se rendent pas compte que je les suis, de loin, discrètement. Ils finissent par sortir du parc. Ciel, que faire? Que faire? Dans la foule des passants, je continue à les suivre, à une distance convenable. Ils parcourent plusieurs rues. Finalement, ils se dirigent vers un hôtel. Ils y entrent, ensemble. C'est donc son épouse? Dans ce cas, pourquoi est-il venu? Serait-il assez inconscient, insensible et cruel pour me croire heureuse de le voir marié? Tandis que nous sommes debout dans le hall de l'hôtel, je reçois un appel téléphonique. La voix est féminine, les paroles sont exprimées de manière extrêmement nerveuse, rapide, puis la communication s'interrompt. Dans la rue, cachée derrière un arbre, non loin de l'entrée de l'hôtel, pétrifiée, je garde mon téléphone près de mes lèvres. Les paroles entendues au téléphone me laissent déconcertée, très mal à l'aise, le regard abaissé. Bruno s'en rend compte. « Qu'y a-t-il » interroge-t-il, agité. « Comment le dire ?» Il s'énerve, je le comprends, mais rien ne sort de ma bouche. Il insiste fortement, à son tour très alarmé. « S'il te plaît, parle !» Je réussis à lever les yeux vers lui et le fixe droit dans les yeux sans pouvoir m'exprimer. Il attend, à bout de nerfs. Il faut que je parle, sinon il explosera. « Au téléphone, dis-je, une inconnue m'a déclaré, la femme que vous cherchez est morte. » Je ne parviens pas à en croire mes oreilles. « Morte ?» C'est le mot employé, confirme May. Toute ma substance m'abandonne. Mon cerveau se vide. Un instant passe. Je m'efforce de reprendre tant soit peu le contrôle de moi-même. Je réussis à balbutier. Qui est la femme qui a téléphoné? Je l'ignore. Elle a seulement dit cette phrase, puis elle a coupé, sans me laisser le temps de réagir. « Regarde sur ton téléphone si son numéro apparaît. L'appel est anonyme, dit-elle. » Je réfléchis, sans communiquer mes pensées à Bruno pour ne pas l'agiter davantage. Il me faut d'abord comprendre la situation. Cet appel est-il une stupide et méchante plaisanterie? Je n'en serais pas étonnée, tellement les gens sont devenus perfides, cruels. Précipitamment, je sors de l'hôtel, je franchis le seuil et m'arrête sur le trottoir. J'ai besoin d'air pour ne pas suffoquer, pour ne pas hurler mon insupportable souffrance. À quelques mètres de là, terré dans les ténèbres, tourmenté, je l'observe. La femme le rejoint et le regarde. Lui, il reste, avec les yeux dirigés vers la rue. La femme et lui ont l'air très tendus. Je recule d'un pas, me cache davantage, en continuant à regarder la scène, malgré la douleur qui étreint ma poitrine. Finalement, Bruno se tourne vers moi. Il me fixe d'un air étrange, en plein désarroi. Je soutiens son regard, sans pouvoir réduire mon malaise. De retour dans ma chambre, je m'affale sur un fauteuil. Je ne comprends rien, rien, absolument rien. Mes yeux restent ouverts toute la nuit, le cerveau ballotté par mille supputations, aussi vagues que stériles. Dans mon lit, je ne parviens pas à dormir. Même les excellents exercices de yoga sont inutiles. Affreuse insomnie. Ma chambre, plongée dans l'obscurité durant toute la nuit, mon esprit est affreusement martelé par la même question et la même réponse. Pourquoi cette femme est avec lui? C'est donc son épouse. 18 juin, soir. May espère que l'anonyme déclaration au téléphone n'est qu'une très mauvaise plaisanterie. Aussi, très tôt le matin, nous retournons au parc. En y pénétrant, elle déclare « Si nous la trouverons, ce sera près des groupes de chant. » Avant de pouvoir lui demander pourquoi, elle complète « Rappelle-toi, le métier de Hua était de chanter. Vu l'immensité de ce parc, la seule manière de se faire trouver est d'être là où des personnes chantent. Hua devrait nous guider par le chant. » Raisonnement tout à fait logique. Nous reprenons notre recherche, plus fébrile encore. Nos yeux inspectent, l'un après l'autre, chaque endroit où des personnes chantent. J'espère qu'il se rappellera mon métier et le chant qui nous avait réunis. Pas trop éloigné de l'entrée du parc, je choisis un petit groupe de chants, mais assez nombreux, et tout près d'une dense végétation. Ainsi, je pourrais éventuellement me cacher. Sans participer au chœur, j'attends avec anxiété l'apparition espérée. Quand le loriot gazouille, l'âme se déverrouille. Le soleil parvient au centre du ciel. La chaleur est forte. Nous nous arrêtons tout près du lac. Bruno baisse la tête, accablé. Tuit, tuit, tuit. Un oiseau gazouille. Je le cherche du regard. C'est un loriot jaune. Il se balance, allègre, en battant ses petites ailes sur une branche de saule, fine et souple. Tu crois encore, murmure Bruno, aux informations données par la télévision? Au village, le chef nous a confirmé la venue de Hua à Pékin, mais pas dans ce jardin. Ce jardin, dis-je, fut indiqué par la personne qui a appelé la télévision. Peut-être, ajoute-t-il, cette personne voulait uniquement s'amuser, pour rompre la monotonie de sa vie, sans se préoccuper du mal causé à autrui. Certes, il est probable que Hua est à Pékin, mais est-ce pour venir me rencontrer dans ce jardin? Je réfléchis. Je n'aime pas m'avouer vaincu sans combattre. Je réponds, rappelle-toi la déclaration de la vieille paysanne au village. Elle affirma que Hua ne l'avait jamais quitté auparavant. Par conséquent, quel est le motif de sa venue à Pékin? Je n'en vois pas d'autre que celui de te rencontrer. Nous sommes ici pour le vérifier. Près des saules, le loriot continue son joyeux concert. Bruno s'affale sur le bord du lac. Visiblement, il souffre beaucoup, et moi avec lui. Pour supporter la douleur, je regarde ailleurs. Les branches des saules ondulent gracieusement sous l'effet d'une brise. Soudain, Bruno saisit l'héros que je lui avais offert. En sortant de l'hôtel, j'avais noté qu'il le portait en bandoulière, sans oser lui en parler. Et il commence à jouer. L'idée m'en est venue instinctivement, ce matin, avant de sortir de l'hôtel. J'ai pensé d'abord prendre mon violon, puis non, plutôt celui traditionnel chinois. Je m'étais rendu compte de mon aisance à en jouer. Dans le parc, ne trouvant pas Hua, découragé et désespéré, une pulsion soudaine me fait saisir l'instrument. Je joue la musique de la chanson de Hua, celle entendue lors de notre première rencontre au théâtre. Non, je ne l'ai pas oubliée, cette mélodie. Si Hua est dans ce parc, j'espère qu'elle l'entendra et viendra. Je dilate les notes en un adagio lent. Je me concentre pour empêcher mes mains de trembler. cette mélodie, si douce et si poignante, me transperce au plus profond. J'ai beaucoup de peine à retenir mes larmes. Heureusement, la musique arrive à son terme. Mais voilà qu'il la reprend, la répète, identique. Ma tension nerveuse augmente, mes jambes tressaillent. Un chant soudain accompagne la musique, un chant féminin. Bruno arrête brusquement de jouer. Aussitôt, la voix cesse de chanter. Bruno se précipite vers le bosquet d'où elle provenait. Je cours derrière lui. Un horrible doute me prend. Je ne le confie pas à Bruno pour ne pas le torturer davantage. Et si cette femme n'est pas Hua, mais simplement une personne qui se joue de nous, cela ne m'étonnerait pas à l'époque où nous sommes tombés. Cependant, elle a chanté. Mais d'autres femmes en sont capables. Autrement, pourquoi, au lieu de se présenter, elle a fui? Ce n'est absolument pas normal. Fou, j'en deviens fou. Qu'est-ce que tout cela signifie? Je me tourne vers Mei. Elle aussi est effarée, les lèvres cousues. Moi, j'ai l'horrible sensation que ma tête va exploser en 1000 morceaux. C'est plus fort que moi. Je n'ai pas eu le courage de rester. Cette femme qui est avec lui me bloque. J'ai peur de me confronter à une trop insupportable désillusion. En même temps, j'ai honte de ma peur. Pourtant, maman et papa m'ont toujours dit « Le courage, c'est vaincre la peur !» Si la mer submerge le ciel, comment préserver l'essentiel ? Dans la pénombre de la chambre, la nuit avancée, une douce clarté lunaire filtre à travers la fenêtre, baignant les murs d'une couleur bleuâtre. Je jette un coup d'œil à Bruno, allongé sur le divan. Il dort ou fait semblant, je l'ignore. En tout cas, j'espère qu'il se repose. Il en a tant besoin. De mon sac, posé près de mon oreiller, j'extrais sans bruit mon carnet et prends mon stylo. En restant allongé sur mon flanc droit, sous la faible lumière de la lune, les mots surgissent presque tous adéquats, produits par une force inconnue en moi. Ô nuit de sommeil agité, par d'étranges fantômes hantés, vous dévoilez l'aridité qui me harasse d'anxiété. Et je vois toute l'âcreté de ma cruelle adversité, tant que mon âme est amputée de ce qui doit l'alimenter. Furibonde, la mer ensevelit la terre, puis submerge le ciel, inondant l'univers, tout devient torrentiel. J'ai honte, honte, si honte de mon horrible désir que Bruno ne retrouve pas Hua. J'ai toujours lutté pour être juste et bonne, toujours estimé et recherché ce qui est bon et beau. Même quand je m'étais rendu compte du mépris et de la haine de mon mari envers moi, je n'ai jamais éprouvé envers sa méchanceté que de la pitié et de la compassion. Comment suis-je arrivée à vouloir que Bruno et Hua ne se rencontrent pas? L'amour peut-il à ce point causer de la cruauté? Est-il alors de l'amour? Totalement désorientée, mon regard va à la lune. Dégagée des nuages, elle brille de tout son blanchâtre éclat. Voir la lumière et ne pas en être illuminée. Quand, malgré tous les efforts, et quels que soient les engrais, s'acharne le mauvais sort et son putride marais, la terre est privée de fruits, n'ayant pas reçu de pluie. Que faut-il ? Se résigner ou espérance garder ?